Bonjour à tous et tous, bienvenue pour cette nouvelle émission du Grémos du mercredi 11 décembre, la dernière de cette année 2024. Aujourd'hui, notre invité est une figure marquante de l'histoire ouvrière stéphanoise. Née à Saint-Étienne, dans le quartier de Tardy, en 1932, dans une famille d'armuriers, il a grandi entre les murs de la Bourse du Travail. Il a consacré sa vie professionnelle aux livres et à l'imprimerie, et son énergie à défendre ses camarades en tant que militant du syndicat du livre dont il est devenu l'un des importants responsables. René Danty, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Tu seras accompagné tout au long de cette émission par l'historien Jean-Michel Stenner. Bonjour Jean-Michel et merci de ta présence. Bonjour Karine, bonjour René. Alors l'émission d'aujourd'hui sera consacrée à la renaissance de la presse stéphanoise en 1944 dans la région stéphanoise. Et au travers de ton expérience, René, et grâce à ton témoignage précieux, que nous allons retracer toute cette histoire journalistique. Ah donc René, tu as été, comme l'a dit Karine, un des piliers du syndicat du livre. Tu connais très bien la profession. Et aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement de cette période tout à fait importante de la libération où la presse est renaît de ses cendres, puisque le régime de Vichy avait fait disparaître la liberté de la presse. Alors avant de parler plus particulièrement de cette période dont on fête le 80e anniversaire, j'aimerais que tu nous retraces à grands traits ton milieu familial, ton quartier et puis ton parcours jusqu'à ce que tu rentres dans la profession. Bien oui, je suis né au 9 de la rue Franklin et donc je suis allé à l'école primaire de Tardy, laquelle a été bombardée le 26 mai 1944. Et on a pu survivre grâce à des informations qui nous avaient été données dès le mois d'avril de la même année, nous disant de prendre des locations extérieures à la cité, car un débarquement devait se produire et donc il fallait immobiliser les voies ferrées de manière à ce que les troupes allemandes ne puissent pas remonter dans le nord de la France. Donc nous sommes partis le 19 mai et c'est ce qui nous a sauvé la vie. Donc dans ce quartier, il y avait beaucoup d'armuriers. Après la guerre, le fusil de chasse se fabriquait pratiquement autour de la maison où on habitait, au 3 de la rue Franklin. Dans la cour, il y avait le dresseur de canons qui polissait les canons avant de les envoyer au bronzage. Mm-hmm. Au premier étage, il y avait le graveur sur armes. Au troisième étage, il y avait une dame qui gravait les crosses et qui les vernissait. Et mon propriétaire, lui, il faisait l'équipe du fusil. Donc le fusil de chasse sortait dans un rayon de 100 mètres autour de la maison. Et après mon certificat d'études, je suis allé à l'école professionnelle Étienne Bimère, dans une section générale. Et je m'étais orienté vers l'armurerie. Je devais faire ouvrier armurier. Puis j'avais un oncle qui travaillait à l'imprimerie Théolier dans les ateliers du mémorial qui m'a proposé de rentrer comme apprenti typographe. Donc je suis rentré en 1947 à l'imprimerie Théolier qui éditait le journal La Dépêche à cette époque. En 47, tu as 15 ans. Oui. Tu as déjà fait de la formation de l'imprimerie ou tu vas la faire après? Ah, je vais la faire après. D'accord. Parce que je suis rentré avec un contrat de 5 ans, mm-hmm. dont 4 années de cours professionnels qui étaient organisés et dirigés par le syndicat du livre de Saint-Étienne. Depuis 1927, la municipalité stéphanoise avait créé l'école typographique stéphanoise. Elle avait confié au secrétaire du syndicat du livre, qui était déjà conseiller de l'enseignement technique, qui était à l'époque une mission gratuite, mmh. et qui a dirigé cette école jusqu'à la guerre, jusqu'en 1940. Et ce syndicaliste, il s'appelait ? François. François. Oui, alors ce syndicaliste, il était à la fois secrétaire du syndicat du livre et il avait créé une caisse d'assurance sociale qui s'appelait Le Travail. Il avait son buste d'ailleurs, rue Rouget de Lille. Alors je ne sais pas ce qu'il est devenu parce D'accord. que l'immeuble est fermé depuis très longtemps. D'accord. Alors, on va peut-être parler quand même de ton passage à l'école professionnelle avant de revenir en 44, si ça ne t'ennuie pas. Oui, ben, donc j'étais dans une section générale. Donc j'ai d'abord travaillé à l'ajustage, apprendre à tracer le métal, à percer, à servir d'une perceuse, faire un gabarit, apprendre à limer, entrecroisé, le cube, le gabarit. Et puis après, je suis passé à la chaudronnerie, ensuite à la fonderie et à l'armurerie. Et c'est là où on m'a demandé de choisir. Et j'ai choisi l'armurerie parce qu'on travaillait à la fois le bois et le métal. D'accord. Et puis, bon, j'étais un peu contaminé par oui, ton ce qui se passait dans mon environnement. D'accord. Donc, en 1944, tu viens de parler du bombardement, le 26 mai 1944, et la Loire est libérée à la fin du mois d'août. Oui. Mais on va revenir quand même sur les années de guerre. Et peut-être, je crois que tu vas nous dire des choses sur le fait que Saint-Étienne, avant la guerre, jusqu'au mois de juin 40, était un très important centre de presse régionale. Parce qu'il y avait trois quotidiens. Ah oui. On peut dire que le premier quotidien qui a été créé à Saint-Étienne, c'était le Mémorial de la Loire, qui a été fondé en 1845. Et quand on connaît l'évolution de l'imprimerie, en 1845, il n'y avait pratiquement que les presses à bras. Parce que les premières machines à cylindres, elles sont sorties en 1864, et Marinoni a inventé la rotative dans la même année. Hein? D'ailleurs, Marinoni a construit qu'une seule presse à bras, qui est à l'école Estienne à Paris. Modèle unique. Ensuite, il y avait la loi républicaine, hein, qui a été créée en 1889, mais qui était un journal du soir. Et puis il y a eu la Tribune républicaine. Alors la Tribune républicaine a été fondée en 1898 par Louis Comte. Louis Comte était un pasteur protestant, et j'ai eu l'occasion, il y a une trentaine d'années, de connaître sa petite fille, qui m'avait expliqué que son grand-père, vu l'activité sociale qu'il avait en plus de son activité pastorale, avait vendu le titre à Louis Soulier et à son beau-frère. Ginsburger. Oui, en 1899. Ouais. Et c'est une période en fait qui correspond à l'affaire Dreyfus. Et la Tribune républicaine, oui. La Tribune républicaine est un journal très républicain, comme son nom l'indique, qui s'oppose au Mémorial, qui était anti-Dreyfusard, monarchiste, anti-Dreyfusard, journal conservateur jusqu'à sa disparition en 1944, alors que la Tribune républicaine était un journal de gauche et qui a toujours donné la parole à toutes les tendances, y compris après 1920, la création du Parti communiste. Le Parti communiste avait une tribune régulière dans la Tribune républicaine. Donc, oui, Louis Soulier était adhérent à la SFIO. Oui, c'était Parti républicain socialiste, voilà. un peu plus modéré que la SFIO. Voilà. Mais donc on avait trois quotidiens, un vraiment très conservateur, le Mémorial, un, on va dire, gauche, la Tribune républicaine, et puis la Loire républicaine, qui était plutôt radicale socialiste. J'ai vu qu'elle était très... Très anticlérical. Absolument, radical socialiste. Et les Stéphanois disaient que la loi républicaine, c'était le journal des concierges. Parce que le journal du soir, il rapportait tous les potins de la cité. On a ces trois quotidiens qui sont présents et qui rayonnent quand même sur une très large partie de l'Est de la France, puisque La tribune diffuse jusqu'à Dijon, jusqu'à Montpellier. C'est important comme quotidien. Je ne sais pas, peut-être pas si loin. Elle avait 23 éditions. Voilà, c'est ça, oui. À son plus fort tirage. Et elle allait à Nevers, oui. Donc elle faisait la Nièvre, la Saône-et-Loire, l'Allier, la Loire et la Haute-Loire. Alors, je ne sais pas si elle s'étendait aussi loin. Je pense qu'elle est dans le Cantal aussi, et même dans l'Aveyron. Mais bon. Parce que sur les photos, on voit le local de l'expédition. Et il y a un tableau où il y a toutes les éditions. Il y en a 20. Ouais, ouais. Et je sais qu'il y a un dépliant que j'avais vu au syndicat du livre et qui a disparu, où il y avait toutes les éditions, et il y en avait 23. Alors cette presse quotidienne, elle va quand même subir de plein fouet la défaite de 1940, de juin 40, l'arrivée du régime de Vichy, qui est un régime autoritaire, qui remet en cause la liberté de la presse. On peut dire quand même que dès le mois de juillet, est instaurée une censure avec un contrôle par le service de l'information qu'a créé le régime, donc un secrétariat général à l'information qui est devenu un secrétariat d'État, et puis une série d'ordonnances ou de lois qui vont porter atteinte à la loi de 1881, la célèbre loi de la liberté de la presse. J'en donne deux, par exemple, celle du 27 août 40 qui remet en cause le décret Marchandeau qui interdisait la publication d'articles à dimension raciste. Et puis, le 10 octobre 1940, une loi qui est presque une loi d'ancien régime, par laquelle on peut interdire certains articles si on considère qu'ils portent offense au chef de l'État. C'est presque une loi qui rétablit le crime de lèse-majesté qui était en vigueur sous l'ancien régime. Alors, cette loi, et puis il y a aussi toute une série de directives qui sont données directement par le ministère, par le secrétariat de l'information. Et tout ça, donc, fait que la liberté de la presse est sérieusement remise en cause pendant ce régime de Vichy. En plus, il y a le contrôle de l'Allemagne à partir de l'occupation de la zone sud en novembre 1942. Et en 1944, avec tout ce qui se passe pendant la guerre, la montée de la résistance, le gouvernement provisoire a parmi ses priorités le rétablissement de cette liberté de la presse. Et c'est dans ce cadre-là que tu vas nous parler justement de la recréation d'une presse quotidienne à Saint-Étienne, mais qui va être dans un paysage totalement chamboulé. Ah oui, l'apprenti qui était avant moi, donc, qui a vécu la période de 40 à 44, m'expliquait que la censure, c'était terrible. Tous les jours, surtout après 42, il allait à la commandanture avec les épreuves des éditoriaux qui étaient censurés. Et des moments, ils étaient censurés au moment de l'impression. Donc, il y avait des blancs dans le journal. Hein. D'accord. Donc, moi, j'ai connu donc, la liberté de la presse en 1947, hein, c'est-à-dire 3 ans après la libération, le 20 août 1944, où est sorti le premier journal pendant 10 jours qui s'appelait La République. C'est ça. Et ce journal a pu sortir grâce aux journalistes de la Tribune qui avait déjà organisé un noyau de résistance, mmh. et au syndicat du livre, dont René Cadéot était le secrétaire à l'époque, mmh. qui a mobilisé immédiatement les techniques pour imprimer ce journal pendant 10 jours. Ouais. Et le 4 septembre, c'est donc les journaux issus de la Libération qui ont pris le relais, la Dépêche, avec les groupes chrétiens de la Résistance, installés à l'imprimerie Théolier, l'ancienne imprimerie du Mémorial, et l'Espoir, journal des mouvements unis de résistance, avec Jean Mauchet à la Tribune, avec le Patriote, qui était l'organe du Front National. Et ce Front National avait été créé par le Comité de Libération et avait eu beaucoup d'adhérents qui n'étaient pas forcément du Parti communiste. C'est par la suite que ces adhérents se sont emballés et seuls sont restés les représentants du Parti communiste. Oui, parce qu'il faut préciser, René, que en fait, le mois de septembre 1944, il n'y a pas trois quotidiens, mais il y en a quatre, puisqu'il y a le Cri du Peuple. Le Cri du Peuple, journal communiste, lui, qui s'affiche comme un journal communiste, mais qui va disparaître dès janvier 1947. Oui, il y a alors, une courte durée. Je reviens simplement sur ces décisions du gouvernement provisoire pour la liberté de rétablissement de la liberté de la presse. Une ordonnance du 9 août 1944, donc on est encore sous le régime de Vichy, mais c'est un gouvernement provisoire qui prépare la remise en place des libertés fondamentales. Et ce gouvernement provisoire a décidé que seraient interdits de paraître les journaux et périodiques qui ont commencé de paraître dès le 25 juin 1940. Ça ne concerne pas la Loire. Par contre, les journaux et périodiques qui existant le 25 juin 1940 ont continué de paraître plus de 15 jours après l'armistice, ça c'est pour la zone nord, plus de 15 jours après le 11 novembre 1942, c'est-à-dire la date où les Allemands arrivent dans la zone sud. Et donc, ça concerne les trois journaux stéphanois. Simplement, il y a un cas particulier sur lequel on reviendra peut-être plus tard, c'est que des dérogations peuvent être accordées aux journaux s'ils ont en réalité servi la cause de la résistance, ce qui va être le cas de la Tribune, mais en septembre 1944, la Tribune disparaît parce qu'il y a une convergence des gaullistes, de Nocher et des communistes pour empêcher la reparution de la Tribune, mais on va en reparler après la pause. Village au fond de la vallée, comme égaré, presque ignoré, voici quand la nuit étoilée. Qui s'étonne, c'est pour Jean-François Nicot, c'est pour accueillir une âme, une fleur qui s'ouvre au jour, à peine une flamme, encore faible qui réclame protection, tendresse, amour. Nuit, le temps appuie. Vous êtes sur Radio Duo dans l'émission du Grémos, émission dédiée aujourd'hui à la presse stéphanoise, issue de la Résistance, et nous retrouvons tout de suite notre invité, René Danty, interrogé par Jean-Michel Stenner. Donc René, tu nous as parlé, et on a parlé de la presse d'avant la guerre et des dispositions prises par le gouvernement provisoire concernant le rétablissement d'une presse libre qui va changer totalement le paysage. Tu nous as rappelé les trois grands titres du Patriote de Saint-Étienne, de l'Espoir, de la Dépêche, auquel on peut ajouter le Cri du Peuple, qui sera très éphémère, puisqu'il va durer à peine 2 ans et demi, disparaissant en janvier 1947. Est-ce que tu peux nous dire comment se présente ce paysage, notamment quelle est l'importance de chacun de ces journaux dans le point de vue tirage? Oui, mais il est certain que c'est l'Espoir qui avait le plus fort tirage. J'ai un chiffre que j'ai relevé, là. Il tirait à 140 000 exemplaires. Donc il s'imprimait dans les ateliers de la Tribune avec le Patriote jusqu'en 1951. Le Patriote devait tirer à peu près dans les 40 000 exemplaires et la Dépêche, c'était sensiblement le même tirage. D'accord. La Dépêche paraissait sur la Loire et la Haute-Loire. On peut rappeler, tu l'as évoqué tout à l'heure, donc la personnalité de Jean Nocher, qui était un journaliste qui faisait, comme on dirait aujourd'hui, le buzz, qui était facilement, qui savait provoquer pas mal de bruit autour de ses articles. Et ça peut expliquer aussi le tirage assez important de ce quotidien qui était l'Espoir. Mais le Patriote, il faut le signaler, tu l'as dit tout à l'heure, c'était d'abord le quotidien du Front National, et à partir de la disparition du Cri du Peuple en janvier 1947, ça devient, même s'il reste toujours grand quotidien républicain régional, ça devient quand même le quotidien officieux de la Fédération départementale du Parti communiste. Donc ces quotidiens, ils ont quand même des positions politiques. Ce n'est pas la presse quotidienne d'aujourd'hui. Ils ont des positions assez tranchées. Par exemple, au moment des élections municipales de 1947, où on va voir l'Espoir et le Patriote s'affronter assez durement. Mais on va revenir à ton travail à toi. Donc toi, tu es en 1944 apprenti. Tu rentres. 47. Tu rentres en 47, oui. Oui, 44, j'ai que 12 ans. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est en 47 que tu rentres comme apprenti dans Théolier. Chez Théolier, c'est-à-dire non pas dans les journaux, mais dans la presse, dans ce qu'on appelle le labeur. Le labeur. C'est-à-dire la presse d'impression, de revues, de publicité, choses comme ça. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience, de ton arrivée dans le... dans l'imprimerie, comment tu vis tout ça? Oui, donc je suis rentré en juillet 47 à l'imprimerie Théolier. Donc, il y avait en imprimerie commerciale 20 typographes. Et la règle, c'était un apprenti pour 5 typographes. Donc avant moi, j'ai connu deux apprentis, plus moi ça faisait 3, et derrière moi il est rentré encore deux autres apprentis. Il y avait une équipe extraordinaire, c'était tous les compositeurs typo qui étaient dans l'atelier étaient extrêmement gentils avec les jeunes. Et moi, j'ai travaillé avec le plus ancien, qui s'appelait Paul Bordin, qui a été trésorier du syndicat du livre. Et il m'a pris avec lui et il m'a donné toutes les informations. J'ai l'impression que c'était mon grand frère. Hein. Avec lui, j'ai eu aucun problème et j'ai très bien assimilé le métier, car la durée de l'apprentissage, c'était quand même 4 années avec cours professionnels et une 5e année en perfectionnement. Donc ces 5 années, elles se sont passées très bien, tant et si bien que j'ai toujours été payé au-dessus du tarif syndical, même en étant apprenti. Et quand je suis arrivé en 4e année, j'ai eu le P1 tout de suite, en 5e année le P2, et j'ai été P3 très rapidement. Alors là, c'était déjà l'époque du patriote. Mmh. Donc, on rappelle, P, c'est qualification ouvrier professionnel. Voilà. D'accord. Il y avait P1, P2, P3. Et donc, ces 4 années, pendant tu alternes entre le travail à l'imprimerie et les cours à l'École nationale professionnelle. Voilà. Donc, à l'École nationale professionnelle, il y avait l'enseignement général, 3 ou 4 jours par semaine, parce qu'il y avait français, mathématiques, dessin d'art, et c'était un cours sur un peu d'éducation sociale. L'histoire et l'éducation civique. Alternatif, ça, c'était qu'une fois de temps en temps. C'était les 3 cours principaux, c'était les maths, le français et le dessin. Et il y avait le samedi, alors soit le matin, soit l'après-midi, la formation technique. Alors cette formation, elle était assurée par le syndicat du livre. D'accord. Mais d'ailleurs, les 3 professeurs aussi, ils étaient recrutés par le syndicat du livre, mais c'était les cours professionnels municipaux. C'était la mairie qui finançait la formation. Dans le cadre de l'École nationale. Professionnel, oui, mais pas à la bourse. Tous les cours professionnels étaient centralisés à l'ENP. À l'ENP. D'accord. Hein. Métallurgie, qu'est-ce qu'il y avait ? Menuiserie, tissage. Oui. C'était la loi Astier de 1907 qui imposait aux municipalités une formation éventuellement de tous les jeunes, pas forcément que des apprentis. Hein. D'accord. Donc, tu as parlé de Paul Bordet, tu as d'autres personnages de l'imprimerie qui t'ont marqué ? Ah ben oui. Le principal, c'était René Cadéo, le secrétaire du syndicat du livre. J'aimerais bien que tu nous parles de lui. Et Robert Fayot, hein, deux résistants d'ailleurs, qui ont eu la chance dans leur action de jamais se faire prendre. Ah oui, parce que j'avais pas de formation syndicale. Hein. Mais comme on était syndiqué à 100%, hein, pour pas dire à Théolie, on était à 100%. Mmh. Mais en général, c'était entre 90% et 100% le taux de syndicalisation dans l'imprimerie. Donc je suis rentré dans le moule tout de suite, je me suis syndiqué. Le 1er juillet 1948, j'avais un an d'apprentissage. Et donc j'ai suivi toutes les assemblées générales. Enfin, et après, quand j'ai milité, à partir de 1957, toute cette formation syndicale, je l'ai faite sur le tas. J'ai jamais été dans des cours spécifiques, sauf une année, je crois que c'est en 1957, où je suis allé en formation à la CFTC, le dimanche matin. envoyé par le syndicat. C'était une relation que le syndicat du livre avec la CFTC de l'époque, dont le secrétaire était Matvin. René Matvin. Qui avait un fils qui est devenu apprenti conducteur offset, syndiqué au livre CGT. Parle-nous de René Cadéo. C'est une figure importante. Ah oui, René Cadéo, c'était quelqu'un d'extraordinaire. D'ailleurs, il avait été désigné par le comité de libération de la Loire et par le comité régional de libération qui était à Lyon par Yves Farge. Il avait été désigné en octobre 1944 pour faire une enquête sur tous les journaux qui étaient imprimés dans la région Rhône-Alpes. Et pour cela, il avait un laissez-passer. Et en tout temps, en tout lieu, et l'assistance des autorités civiles et militaires pour accomplir sa mission. Une chose d'extraordinaire. Et donc, à partir de là, il a fait beaucoup de choses au niveau. Alors, toujours dans le cadre de la Fédération française des travailleurs du livre, et il a créé, quand la SOGEP a été créée, avec Henri Bonche, qui en était le directeur, ils ont créé la première caisse de retraite complémentaire de la presse quotidienne régionale pour tous les quotidiens de France. Donc ça, c'était en 1955. Bien. On rappelle, puisque tu as fait allusion, qu'effectivement, j'ai été un peu rapide là-dessus, les mesures prises par l'ordonnance du 9 août 1944, elles sont appliquées par les commissaires de la République, donc Yves Farge à Lyon, par les préfets, donc à Saint-Étienne, c'est... Montjovin. Voilà, Lucien Montjovis. Et puis les comités de libération, il y a une longue discussion qui se fait dans la clandestinité entre le mois de mai et le mois d'août 1944 pour la répartition des imprimeries et des titres. Donc ce qui va donner le paysage qu'on a évoqué tout à l'heure. Et alors, il y a la question très particulière de la Tribune républicaine, mais on va peut-être faire une nouvelle pause avant d'y revenir plus en détail. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur. Près des étangs, ces grands roseaux mouillés, voyez ces oies blancs et ces maisons rouillées. Pour la vie. Vous êtes sur Radio Duo dans l'émission du Grémos, émission dédiée aujourd'hui à la presse stéphanoise, issue de la Résistance, et nous retrouvons tout de suite notre invité, René Danty, interrogé par Jean-Michel Stenner. René, on va venir, on arrive à la dernière partie de cette émission. On va ensemble voir un peu comment évolue ce paysage de la presse stéphanoise. Et on va commencer par l'atmosphère qui règne dans les imprimeries, dans l'imprimerie de la Tribune, qui est occupée à la fois par le journal de Jean Neuchet, L'Espoir, et par le journal Le Patriote, qui va devenir très proche du Parti communiste. Deux tendances qui étaient relativement unies dans la Résistance, mais qui vont très vite s'opposer en 1946-1947 avec la montée de la guerre froide. Oui, ben, le problème, c'est la cohabitation de ces deux titres qui utilisent les mêmes matériels. Donc, le tirage de L'Espoir étant plus important, certainement qu'on avait dû lui attribuer des linotypistes et des compositeurs metteurs en page plus importants qu'au journal Le Patriote, qui lui avait beaucoup de journalistes qui étaient à la fois des militants et donc moins professionnels. Les heurts intervenaient non pas toujours pour des problèmes politiques, rarement, c'était sur des problèmes techniques de départ des pages, d'utilisation des machines. Donc il a fallu attendre qu'il y ait la reparution de la Tribune pour que Le Patriote se voit attribuer sa propre imprimerie et que soit créée une société de gestion d'entreprises de presse qu'on a appelée la SOGEP, qui regroupait La Dépêche, La Tribune et L'Espoir avec des pages communes d'informations locales, de faits divers, et conservant les unes, les éditoriaux et certaines pages d'informations générales qui étaient différenciées. Donc ce système a très bien fonctionné, avec à la tête de la SOGEP Henri Bonche, et puis bon, le secrétaire du syndicat du livre, René Cadéo, qui lui avait un poste particulier au sein de l'entreprise. Et puis c'était lui qui gérait la commandite des linotypistes et qui avait une forte influence d'ailleurs sur la création de cette société. Je me permets de rappeler quand même, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, qu'un des problèmes qui se pose aussi à la presse en 1945-1946, c'est la question du papier. Ah oui. Et donc il est très contingenté. Quand on consulte les journaux aux archives, ils ont au début, en 1945, c'est une page recto verso, après ça vient deux pages. C'est petit à petit qu'on retrouve un format un peu plus étoffé. Or, il y a une chose très importante, c'est que le journal L'Espoir a, parmi ses rédacteurs, un certain Michel Durafour, qui a été un temps au service du ministère de l'Information. Et donc, il avait sans doute favorisé le contingent de papier pour L'Espoir. Et c'est un des reproches que lui font les gens du Patriote. Alors, malgré tout, Espoir et Patriote sont très hostiles, notamment pendant les grandes grèves de 47 et de 48. Il y a eu des moments assez tendus. Et ils vont, malgré tout, se rassembler pour empêcher la reparition de la tribune républicaine. Je crois qu'il faut qu'on revienne sur cette question, parce que la tribune républicaine est quand même un cas à part des deux autres journaux. La loi républicaine était très vichiste, très maréchaliste, et pareil pour le mémorial. Tandis que la tribune républicaine a essayé pendant la période 42-44 de ruser un peu avec la censure, et il y avait des noyaux de résistants à l'intérieur de la tribune. Tu vas nous parler de ces noyaux de résistants, et après on parlera de cette tentative de reparution et de ce qui s'est passé en 48. D'abord la résistance au sein de la tribune pendant la guerre. Ben oui, il y avait deux groupes. Il y avait donc Cadéo et Faya. Faya ne travaillait pas à la tribune à l'époque, mais Cadéo faisait composer aux équipes les textes pour lutter contre la charte du travail en éditant le mouvement ouvrier français. Donc les linotypistes tapaient les textes, Cadéo récupérait les lignes de plomb, il les stockait à son domicile rue Paul Bert. Ensuite, Robert Fayant les récupérait, il faisait la mise en page et il imprimait à l'imprimerie Verdier les tracts qui étaient distribués dans tout le sud-est de la France. Et parallèlement, son patron, la nuit, en l'absence du personnel, il éditait l'Espoir clandestin. Donc, sans que l'un et l'autre le sachent, jusqu'à la libération. Donc c'était quand même un centre important de la résistance. Ah oui. Or, le tribune est sanctionné. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi la tribune est interdite de reparaître en 44? Ah mais c'est simple. Ils appliquaient intégralement ce que le gouvernement provisoire avait décidé. Tous les journaux qui étaient parus après le 12 novembre 1942, et qui avait signé le contrat Marion et le contrat Inter France, il y avait deux contrats, devaient être interdits de publication. Alors, la tribune a montré de nombreuses réticences. Par exemple, les communiqués du gouvernement de Vichy, ils les mettaient en tout petits caractères, et au lieu de les mettre dans les informations générales, ils mettaient ça dans les informations de loisirs, dans les dernières pages. Bon, mais ça n'a pas échappé à la vigilance de la censure. Et la tribune a failli ne pas paraître du tout, parce qu'au bout de deux suspensions, à la troisième, ils interdisaient l'apparition du titre. Alors, bon, bien sûr, elle avait mis en page des textes, et je crois que même un de ses secrétaires de rédaction avait commis une imprudence au niveau de la publicité faite au STO, parce qu'il s'était rendu à Saint-Étienne dans une réunion, et il en avait fait un compte rendu faisant l'éloge du service du travail obligatoire. Alors ça lui a été reproché. Donc, malgré ce que dit la directive de l'ordonnance du 9 août 44, qui dit que, je relis le passage, des dérogations peuvent être accordées aux journaux visés s'ils ont en réalité servi la cause de la résistance. Tu viens de nous dire que la tribune avait quand même servi la cause de la résistance, mais elle est interdite de paraître parce qu'en fait elle est l'objet de l'opposition à la fois de Jean Nocher et du Parti communiste. Oui, puis il y avait, comme tu le disais, le problème du papier aussi, et puis le problème du technique, parce que un journal en plus, ça crée des problèmes techniques au niveau de la fabrication elle-même. D'accord. Alors, ça dure 3 ans, grosso modo, et Il y a le cas particulier, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais la tribune, tu l'avais évoqué, la tribune était dirigée par Louis Soulier, donc qui a été maire de Saint-Étienne de 1919 à 1930, puis de 35 à 39. Louis Soulier meurt au tout début de la guerre, au début du mois de septembre 39. Mais il a deux fils. Il y a deux fils, Michel et Pierre. Pierre Soulier, qui sont prisonniers. Mobilisés en 39 et faits prisonniers. Donc, ils sont en Allemagne pendant la guerre. Or, eux, ils rentrent en 45 et ils aimeraient bien récupérer leur titre. Donc, ça va être leur bagarre. Et leur bien immobilier. Le bâtiment, et effectivement. Oui. Donc, la bagarre des fils Soulier pour la réparation de la tribune. Ouais. Et ça se déroule notamment en juillet-août 48, où il y a une première tentative de réparation de la tribune. Est-ce que tu te souviens de comment ça s'est passé, ça? Oui, d'après ce que j'ai appris, c'est qu'il y avait déjà du papier qui avait été attribué pour la reparution du journal, qui n'avait pas toujours été autorisé. Alors là, il y a eu une campagne faite par le Parti communiste, l'Union départementale CGT, qui a duré 2 mois, et aussi par la direction de l'espoir. Oui, c'est ça. Par Jean Nocher. Donc le préfet n'a pas autorisé la parution de la tribune. Par contre, l'idée de reparution, elle a évolué, puisque je crois que c'est en 1950 que la levée du séquestre a été faite. Donc les deux fils Soulier ont pu encaisser le produit de la location de leurs biens. Oui. Et après, en 51, ils ont relancé le titre. L'autorisation a été donnée, moyennant une société nouvelle qui regroupait les trois titres. Les trois titres, donc qui regroupait les trois titres, cette société étant la SOGEP, dirigée par Henri Bonche. Et donc le Patriote s'est vu attribuer l'imprimerie Théolier, ce qui fait que la Dépêche, l'Espoir et la Tribune ont pu reparaître dans de bonnes conditions, avec des pages communes. On peut rappeler qu'en 1951, donc tu fais allusion à cette année-là, c'est une année d'élection législative, Jean Nocher est candidat, et qu'il y a une période, comme c'est en plein dans ce débat juridique, il y a une période où il y a deux éditoriaux qui sont publiés, un par Jean Nocher et un par les gens qui sont partisans de la famille Soulier. Donc, mais ça ne va pas durer, puisque ça conduit à la création de la SOGEP. Alors cette SOGEP, elle va aboutir quand même, il y a un moment important qui est en 1964, où, alors d'abord entre-temps, il y a un autre titre qui va disparaître, c'est le Patriote, qui disparaît en 1956, qui est d'abord rapatrié, à Lyon. Qui est d'abord édité pendant un certain temps à Lyon, et en 1958, le titre disparaît complètement, comme beaucoup de titres de la presse quotidienne régionale du Parti communiste. L'arrivée de la Ve République a donné un sérieux coup à cette presse. Mais en 64, il se passe quelque chose d'important à Saint-Étienne sur la presse. C'est l'arrivée du Progrès. Est-ce que tu peux nous dire là ce... Oui, ben, l'arrivée du Progrès a fait que la SOGEP ayant déposé le bilan, le Progrès a racheté la tribune. C'est ça. Mais pas l'espoir, que le titre, la tribune. Donc l'espoir, il a reflué sur la loi républicaine pendant un certain temps, mais la loi républicaine n'avait pas les moyens techniques pour imprimer à la fois l'espoir et la dépêche, parce que la dépêche... Continuait de paraître. Alors la dépêche, elle a acheté une vieille rotative. Ça a été des conditions épouvantables. Et comme le Progrès ayant racheté la tribune, il y avait le Dauphiné libéré qui visait aussi le rachat. Mais Cadéo a tout fait pour que le Dauphiné libéré n'achète pas la tribune. parce que Richaud, qui en était le propriétaire, c'était pas particulièrement un patron intéressant pour les ouvriers, surtout ceux de la Fédération du Livre. Il avait déjà créé dans son entreprise une section FO. D'accord. Hein? Alors, ce qu'il y a, c'est que le Progrès ayant racheté que le titre, la tribune, et les bâtiments et le matériel, l'espoir, il s'est trouvé dans des conditions précaires. Donc, il a été contraint de passer un contrat avec le Progrès, où pendant 20 ans, le Progrès et l'espoir partageaient des pages communes en lui réservant quatre pages éditoriales. Et donc, ça a bien marché jusqu'en 84, où le titre a disparu. Alors, je crois que c'est très important de le souligner dans notre conversation ici pour les auditeurs. 64, c'est quand même la fin de l'indépendance de la presse stéphanoise. Ah, parce ben, que hein, le titre, le mémorial, donc 1845, disparaît en 44. Le titre, la tribune, 1899, disparaît en tant que titre indépendant en 1964. Maintenant, il y a plus de... c'est Lyon qui devient le centre. Il ne faut pas oublier de mentionner qu'en 1963, il y a eu la levée de séquestre de l'imprimerie Théolier. Et les patrons, les propriétaires des immeubles et du matériel, la famille Bernard, pour récupérer leurs biens, il a fallu qu'ils sortent un nouveau journal. C'était la condition pour récupérer leurs biens. Donc ils ont sorti le nouveau mémorial. Ah oui, je me souviens. Hein, d'octobre 1963 à juillet 1964, pendant 6 mois, hein, à peu près. Ils ont sorti le nouveau mémorial. Ils ont arrêté parce que le nouveau mémorial n'a pas retrouvé ses lecteurs. Et le but, c'était pas de C'était de récupérer les biens. C'était de récupérer leur matériel qu'ils ont vendu d'ailleurs. Et les immeubles, ils les ont loués à des sociétés diverses, hein, des boutiques alimentaires, Manufrance, rue de Lodi. D'accord. Et toi, donc, à ce moment-là, tu es dans quelle imprimerie au moment où le Progrès arrive? Tu es dans quelle... Tu es toujours... chez Théolier. En 1963, je suis à la Loire républicaine depuis 1959. Donc la Loire républicaine, c'est le bâtiment qui est à côté de la préfecture. Là. Voilà, c'est le 16 de la place Jean Jaurès, qui communique d'ailleurs. Il communiquait avec les ateliers de la tribune. Ah, je ne savais pas ça. Ben, oui. D'accord. Oui, ça communiquait. Et entre-temps, avait été créé du temps de la SOGEP, Centre Dimanche, le journal du 7e jour. Parce que les journaux n'avaient pas le droit de paraître 7 jours sur 7. Il y avait une loi. Alors, ils avaient créé une société parallèle qui s'appelait la... Enfin, bon, ils avaient créé une société parallèle. Donc, le samedi dimanche, il se faisait à la Loire républicaine. Mais il s'imprimait sur les rotatives de la tribune et sur celles de la Loire. Et puis, il utilisait aussi... des linotypistes parce qu'il y avait de nombreuses éditions là, avec Samedi Dimanche. Hein. On va terminer par quelques mots. Tu nous dis sur ton parcours syndical. Donc tu adhères au syndicat, tu as dit en 51, c'est ça? En 48. 48. Et à quel moment tu prends des responsabilités au secrétariat? Je suis revenu de l'armée en 57, en début d'année, et je suis rentré au... parce qu'il fallait être élu. Hein. Donc je me suis présenté aux élections en octobre 57. Je suis rentré au syndicat du Livre. Et tu deviens permanent Ah non, pas permanent. Tu as toujours travaillé à l'imprimerie. On n'a jamais eu de permanent, d'accord, sauf André Charest, quand il a remplacé le délégué régional. Donc le délégué régional de la FFTL, c'était un permanent. Et de Lyon, ça s'est déplacé à Saint-Étienne. D'accord. Donc la FFTL, Fédération Française des Travailleurs du Livre. Bien. Créée en 1981. D'accord. Eh bien René, tu nous as passionnés par toute cette expérience. On va maintenant on va passer à l'agenda, mais on va proposer à nos auditeurs d'autres entretiens avec toi, notamment sur la question de l'imprimerie, des petits entretiens que l'on va faire à partir des photographies qu'a réalisé Léon Leponce. Mais je laisse Karine nous parler de l'agenda. Oui, Jean-Michel, donc nous passons à l'agenda. Voici quelques infos sur les prochains événements en lien avec le Grémos. Donc demain, jeudi 12 décembre, nous vous donnons rendez-vous à la salle Aristide Briand à l'hôtel de ville de Saint-Étienne à 19h pour une rencontre avec Michel Rothenberg qui présentera une conférence sur le thème des utopies réalisées. La soirée sera en partie animée par notre co-présidente vice-présidente du Grémos, Catherine Gauthier. Je signale également que Michel Rothenberg a publié tout récemment l'ouvrage « L'imaginaire patrimonial » où il propose de réfléchir à ce que l'imaginaire permet de comprendre du patrimoine, mais aussi comment le patrimoine apporte à l'imaginaire un support intellectuel et anthropologique. Voilà, c'est la fin de cette émission. Amis auditrices et auditeurs, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission du Grémos qui aura lieu mercredi 8 janvier 2025 à 18h. Cette émission sera la première d'une série consacrée aux 8e rencontres d'histoire ouvrière que l'Assemblée Générale du Grémos a programmée pour les jeudis 11 et vendredi 12 décembre 2025, donc à vos agendas. Et ces rencontres s'attacheront à étudier le grand mouvement social de l'automne 1995. Avec Serge Proust, maître de conférence émérite à l'UJM, nous ferons un rappel des grandes étapes de la mobilisation, un état des écrits publiés sur le sujet depuis 30 ans et un premier recensement des articles de presse et des archives disponibles, également une liste des personnes avec lesquelles nous souhaitons réaliser un entretien. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée sur les ondes de Radio Dio. Bye bye.